Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Fascinante préhistoire, elle nous conduit dans les temps lointains, les plus lointains de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, la préhistoire n'aurait-elle que 200 ans? Autrement dit, ne serait-ce pas au 19e siècle que l'idée s'impose d'une préhistoire? Et dès lors, que de débats. Des grands savants, Geoffroy Saint-Hilaire, Georges Cuvier ou encore d'autres savants, moins grands peut-être, mais tout aussi charmants, Bouvard et Pécuchet, c'est Flaubert, tous étudient la préhistoire qui en dit beaucoup, surtout de ceux qui l'étudient. Sophie Archambault de Beaune, bonjour. Bonjour. Quand nous évoquons la préhistoire, si je dis « mais la préhistoire n'a que 200 ans », voulez-vous me corriger? C'est vrai? On peut dire qu'elle commence même avant en réalité, puisque très tôt, dès le XVIe siècle, des hommes commencent à s'interroger sur ces fameuses pierres de foudre, les céronies, qui sont des lames de hache polies ou bien des pointes de flèches que l'on trouve parfois dans les champs. Et les gens s'interrogent. Et on a par exemple Michel Mercati, qui est un Michele Mercati, et le que je me rappelle exactement, c'est le médecin de Clément VI, donc pape, et il est aussi le directeur du jardin botanique du Vatican. Et lui propose donc dès le XVIe siècle que ces pierres ont été fabriquées par des populations anciennes. Ce ne sont pas des pierres naturelles tombées lors des orages et donc précipitées sur le sol par la foudre. Ce sont des pierres faites de main d'homme. Et donc très tôt, on a cette idée qui traîne, mais elle est très controversée et ça prend énormément de temps avant que les gens n'acceptent cette idée. D'autant que Mercati publie, enfin écrit un livre en 16e siècle, qui ne sera publié qu'en 1717. Et donc, quand on est au début du 18e siècle, on est encore dans ces débats, qu'est-ce que c'est que ces pierres, quelle est leur origine? Et c'est finalement vers 1723 que l'idée est enfin admise, mais péniblement, entre autres par Antoine de Jussieu, donc qui était lui le premier directeur du Jardin des Plantes à Paris, et Antoine de Jussieu publie ces pierres en expliquant qu'elles ressemblent énormément aux armes qui sont utilisées par les Indiens d'Amérique, donc par ces sauvages, évidemment entre guillemets, des îles d'Amérique et du Canada. Sophie de Beaune, il est une histoire de la préhistoire qui est mêlée à la curiosité humaine, à la découverte, et vous nous le dites bien, avec ces pierres, étonnantes pierres taillées ou alors polies, on ne comprend pas de quoi il s'agit, et dès lors il y a beaucoup de fantasmes qui s'agrègent autour d'un ossement gigantesque trouvé, mais aucun animal ne porte des os d'une telle taille, alors qu'est-ce que ça peut bien être? C'est beaucoup de questionnements en fait, 16e, 17e, 18e siècle. Oui, alors il faut rappeler aussi qu'à cette époque, et jusqu'au 19e siècle inclus, le récit officiel est le récit biblique de la Genèse, avec une histoire de la Terre de 6000 ans environ, donc qui est subdivisée en deux phases, la phase antérieure au déluge et la phase postérieure au déluge, le déluge étant le fameux déluge donc infligé par Dieu aux descendants d'Adam et Ève, qui coupe donc l'histoire de la Terre en deux périodes. Et donc, on n'imagine absolument pas que l'homme a pu être ancien, a pu avoir une ancienneté très, très, très importante. C'est bien pratique, hein, le déluge d'ailleurs, pour expliquer pourquoi il y a des restes d'animaux qui semblent avoir disparu, parce que au moins il y a une rupture ici. Tout à fait. Justement, tous les animaux disparus, qui sont antérieurs au déluge, les animaux antédiluviens, posent problème, d'autant qu'on commence à découvrir au début du 19e siècle des os d'humains, des restes osseux humains, qui sont dans des couches géologiques, où, dans lesquelles on trouve également des os d'animaux disparus. Donc l'homme aurait été contemporain d'espèces animales disparues. Et ça, c'est extrêmement controversé. extrêmement controversée, cette réflexion sur mais qu'est-ce qu'il s'est passé avant, mais d'où viennent ces restes humains, ces objets sans doute fabriqués par des humains ou alors des fossiles d'animaux disparus, réflexion qui doit être associée à une réflexion plus globale, celle des sciences de la nature. 1749, parution des trois premiers volumes de l'Histoire naturelle. Joli succès de librairie. Une première édition de 1000 exemplaires est épuisée en 6 semaines. Joli scandale aussi. C'est la première fois qu'on ose traiter de l'homme. De sa nature, de la formation du fœtus, de la puberté, des eunuques, de la virginité et de la continence. Buffon. Rien n'est plus agréable et plus piquant que le tableau fidèle de ces premiers moments où l'homme se peut dire homme. Les dames, selon les chroniqueurs de l'époque, en firent leur livre de chevet. Le scandale s'amplifie. D'Argenson. Le sieur Buffon, auteur de l'Histoire naturelle, a la tête tournée du chagrin que lui donne le succès de son livre. Les dévots sont furieux et veulent le faire brûler par la main du bourreau. Véritablement, il contredit la Genèse en tout. Au XVIIIe siècle, Buffon, naturaliste, propose son Histoire naturelle avec toute une réflexion sur ce qu'est la nature elle-même. Et cette réflexion, eh bien, concerne le classement des espèces animales, mais concerne aussi presque le classement du temps. Ça, c'est quelque chose qui va permettre aussi de réfléchir au passé, Sophie de Beaune. Oui, Buffon est le premier finalement à resituer l'apparition de l'homme dans l'histoire de la Terre. Et donc, lorsqu'il publie en 1778 son livre « Époque de la nature », « époque » au pluriel, il propose une datation de la Terre de 75 000 ans. Sachant qu'il va choquer, puisque la date donc admise dans le récit biblique est de 6 000 ans. Or, on sait par ailleurs, par des inédits, par des manuscrits qu'on a retrouvés, qu'en réalité, il pensait à 3 millions d'années. Mais il n'a pas osé le publier parce qu'il a eu peur de choquer. Ceci étant, ces 75 000 ans ont énormément choqué de toute façon. Et donc, il proposait une datation très ancienne avec l'apparition de l'homme à un moment donné. Et ça a été très controversé et pas du tout admis en fait. Hein. Il a fallu attendre bien longtemps, le courant du 19e siècle, puisque lorsqu'on a fini par admettre que l'homme avait pu être contemporain d'espèces animales disparues, grâce entre autres à Boucher de Perthes, ce n'était pas pour autant gagné, puisque on voulait bien admettre cette contemporanéité, mais on ne voulait pas admettre l'ancienneté de ces vestiges. Oui, parce que nous avons ici une histoire qui est faite de scientifiques, nous parlons de Buffon, de vraies personnes qui réfléchissent et qui s'associent en fait à une curiosité générale pour le passé. Quand vous évoquez Sophie de Beaune, ces chercheurs, et notamment Boucher de Perthes, qui est un personnage extraordinaire, la réflexion qui est toute simple pour nous est celle aussi de la stratigraphie. Il faut creuser, et puis il y a cette notion de couche. Il faut rappeler à combien ce qui nous semble évident aujourd'hui ne l'était pas pour tout le monde, encore au XIXe siècle. Absolument. La préhistoire est fille de la géologie. La géologie est née avant la préhistoire. Très vite, dès le XVIIe siècle, en fait, il y a eu une curiosité pour l'histoire de la Terre. Et très vite, on s'est aperçu que la sédimentation de la Terre se faisait petit à petit, hein, l'empilement des couches stratigraphiques, et que les couches les plus anciennes étaient les plus profondes, sauf bouleversement accidentel. Et donc, très vite, on a compris que lorsqu'on trouvait des éléments en particulier, des vestiges d'animaux dans les couches anciennes, dans les couches profondes, c'est qu'elles étaient plus anciennes que les couches plus récentes. Et donc c'est ainsi qu'on a essayé d'élaborer donc une chronologie basée l'empilement des couches géologiques. Alors une chronologie évidemment qui est appelée à faire débat. 1830, c'est la révolution en France, la révolution de 1830. Oui, mais Gaston Bachelard, historien des sciences, lui évoque une autre révolution la même année. C'est dans une séance de l'an 1830 qu'éclata au grand jour la sourde rivalité de Cuvier et de Geoffroy Saint-Hilaire. Averti de la séance mémorable de l'Institut où s'était affronté le fixisme de Cuvier et le transformisme de Geoffroy Saint-Hilaire, Goethe, le vieux Goethe, y prit plus d'attention qu'à la révolution politique de juillet. Je me réjouis, dit-il, d'avoir assez vécu pour voir le triomphe de la théorie des transformations des espèces vivantes. Balzac lui-même, dans Les Illusions perdues, a rappelé la lutte de Cuvier et de Geoffroy Saint-Hilaire. Deux génies égaux, dit-il. Sur le plan même de la science, Balzac voyait éclater le conflit entre les forces de la trahison, de la tradition, et les forces de transformation. Il comprenait que la pensée scientifique est une pensée révolutionnaire. Il est joli le lapsus de Gaston Bachelard entre trahison et tradition. dans son analyse, c'est en 1949 que s'exprime Gaston Bachelard. Il y a l'opposition entre le fixisme et le transformisme. Alors attention, Sophie de Beaune. Bon, le fixisme, nous voyons à peu près ce que c'est. C'est que les choses restent fixes, c'est ça, rien n'a bougé. En réalité, oui, Cuvier était catastrophiste, créationniste et fixiste. C'est-à-dire que pour lui, l'histoire de la Terre et du peuplement de la Terre, des espèces animales, était faite d'une succession de cataclysmes avec chaque fois des créations, de nouvelles créations, des créations successives. Donc, mais les espèces n'évoluaient pas, donc fixiste. Et son ennemi principal, en fait, au départ, c'était avant Geoffroy Saint-Hilaire, c'était Lamarck, hein, Jean-Baptiste de Lamarck, qui était un disciple de Buffon et qui était, lui, transformiste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Cuvier avait finalement fondé toute son hypothèse à partir de l'étude des vertébrés, parce qu'il s'était aperçu qu'il y avait effectivement, dans les couches anciennes, les couches géologiques anciennes, il y avait des espèces animales vertébrées différentes de celles qui existent aujourd'hui. Or, Lamarck, lui, était parti de l'étude des invertébrés. Et il s'était aperçu qu'en fait, au contraire, il y avait une continuité et il y avait des espèces anciennes qui existaient encore. Et donc, pour lui, il y avait une transformation des espèces extrêmement graduelle, hein, depuis les espèces disparues jusqu'aux espèces actuelles. Mais ce n'était pas encore l'évolutionnisme. Le transformisme est en fait l'ancêtre de l'évolutionnisme, puisque lui pensait qu'il s'agissait des caractères acquis, donc qui se transmettaient, d'une transmission des caractères acquis d'une génération à l'autre, avec une complexification. Il voyait ça comme une évolution buissonnante et une complexification des espèces. Alors l'évolutionnisme, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, c'est quand même autre chose, hein. C'est pas tout à fait la même chose. La pensée de Darwin plus complexe. Donc nous avons cette théorie du fixisme. Donc, c'est bien parce que ça fait des mots pour le Scrabble, tout ça, le fixisme. Alors le transformisme avec Lamarck, nous entendons bien qu'il ne s'agit pas du tout d'un spectacle de musical, là aussi, c'est les espèces se transforment. Sophie Archambault de Beaume, vous êtes professeur de préhistoire et de protohistoire à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Vous êtes l'auteur de « La préhistoire au présent, mots, images, savoirs, fiction », publié au CNRS Éditions. Et justement, avec cette préhistoire au présent, vous nous parlez du 16e siècle, 18e siècle, du 19e siècle, en nous parlant de la préhistoire. Est-il possible de parler de la préhistoire sans évoquer ce contexte, en fait, ces débats du moment? Geoffroy Saint-Hilaire est un homme de son temps, Georges Cuvier, Lamarck sont des hommes de leur temps. Ils réfléchissent à leur temps. La préhistoire naît à un moment particulier. Alors, on dit toujours que le père de la préhistoire est Boucher de Perthes, ce qui est un peu vrai. Enfin, il s'est trouvé là au bon moment, en fait. Hein. Les idées avaient mûri et il s'est trouvé au bon moment. Mais c'est quand même lui qui a apporté la preuve géologique de la coexistence donc de l'homme avec des espèces disparues. Donc, il a publié en 1844 les antiquités celtiques et antédiluviennes. Donc il ne remettait pas en cause le récit de la Genèse, hein. Il s'inscrivait à l'intérieur de ce récit avec le déluge qui coupait donc l'histoire de la Terre en deux périodes, mais il avait repéré, puisqu'il avait fait des fouilles à Saint-Acheul et à Abbeville, donc des sites qui sont sur les terrasses de la Somme, et il conduisait des fouilles là, et il s'était aperçu qu'effectivement on trouvait en particulier des bifaces associées à des animaux disparus. Le problème, c'est que Bouchet de Perthes n'était pas tellement pris au sérieux. Pourquoi ? Parce qu'il avait, il avait eu quelques égarements. Il avait par exemple publié des pierres figures, ce qu'on appelle des pierres figures. C'est-à-dire, ce sont des pierres qui ont une forme naturelle, qui évoquent des animaux. Et donc, il avait publié ça en prétendant qu'il s'agissait d'objets façonnés par l'homme. Donc, les savants de l'époque ne le prenaient pas très au sérieux. Et donc, il a proposé son mémoire à l'Académie des sciences de Paris et il a été refusé. Il l'a publié quand même en 1847, mais sans le précieux aval de l'Académie. Et il lui a fallu extrêmement longtemps avant de convaincre les savants. Et ce sont les savants anglais qui sont venus sur ces sites, donc de la vallée de la Somme, et qui ont fini par admettre qu'il y avait bien contemporanéité en regardant donc sur le site les objets qui se trouvaient dans les couches. Donc ça, c'est en 1859. Et les savants français qui le regardaient de haut ont fini par admettre qu'il avait raison parce que les savants anglais avait donné leur aval auparavant. Donc ça a été une longue histoire. Et puis, alors je ne sais pas si je vais trop vite, si j'avance trop vite dans l'histoire, mais c'est vrai que ça coïncide aussi avec la découverte en 1856 du fameux homme de Néandertal, hein, dans la vallée de Néander, près de Düsseldorf. On trouve cette calotte crânienne en 1856, qui fait absolument scandale lors de sa découverte. Certains considèrent qu'il ne s'agit pas du tout d'un homme disparu, et qu'il s'agit en fait d'un homme actuel, ou peut-être qu'il y a quelques dizaines d'années de l'époque de Napoléon, qui est contrefait, et qu'il ne s'agit pas du tout d'une espèce disparue. C'est très beau d'écouter en fait cette construction de la pensée sur nos très lointains ancêtres, parce que nous sentons bien qu'il y a comme une concentration de toutes ces analyses. À un moment donné, nous sommes dans ces années 1830, 40, 50. Sophie de Beaune, la préhistoire se construit par beaucoup de comparaisons. Ici a été trouvé un élément, là un autre, et puis tout doucement, le puzzle se met en place. Au 19e siècle, le problème, c'est qu'il y a très peu de pièces, en fait. Tous ces savants réfléchissent avec très peu d'éléments et énormément d'hypothèses. Absolument. En fait, on met très longtemps à trouver des restes d'hommes fossiles. Donc pendant très longtemps, on n'imagine pas qu'il ait pu être différent de l'homme actuel. Donc on peut dire qu'il y a eu une première phase pendant de mûrissement de la pensée, pendant laquelle on a tout doucement fini par admettre que l'homme avait été contemporain d'espèces disparues. Et ensuite, il a fallu admettre que c'était beaucoup plus ancien que ce qu'on croyait. Et après, il a fallu admettre que cet homme n'avait pas toujours été tel qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est encore une autre étape qui démarre finalement avec la découverte de l'homme de Néandertal, qui a mis longtemps finalement à être admis comme étant une espèce disparue. Il a fallu attendre au moins une bonne dizaine d'années, 1866, pour qu'il y ait d'autres découvertes de Néandertaliens ailleurs, en particulier dans des sites belges, puis en 1886. Donc ça a pris un certain temps avant qu'on admette donc que cet homme était bien une espèce fossile, avec des guillemets, hein, comme on disait à l'époque. Et on a longtemps cru, d'ailleurs, pendant toute la première moitié du XXe siècle, qu'il s'agissait de l'ancêtre de l'homme actuel. Et puis avec toujours cette idée que, mais aujourd'hui, encore plus que jamais, la science de la préhistoire s'alimente de toutes les autres sciences. Et c'est aussi le cas au XIXe siècle, où les savants naturalistes et puis ceux qu'on appelle les antiquaires, et on ne parle pas encore d'archéologues, échangent les uns les autres et alimentent leurs réflexions. La science ne sera plus l'apanage des pasteurs et des amateurs d'insectes. Certains d'entre eux sont de mes amis. Eh bien, c'est votre livre qui nous mettra tous d'accord. Non, parce qu'il n'existe pas. Il n'y a que quelques notes, rien qui puisse être... Palinerne, j'ai lu un extrait qui était remarquablement détaillé et votre argumentation est puissante. La preuve de la transformation sur des millions d'années d'une crevette qui nage librement en un coquillage collé sur un rocher. Justement, on ne peut pas l'affirmer avec certitude et c'est pour cela qu'il me faut plus de temps. Monsieur Darwin. Oui. Soit vous êtes de mauvaise foi, soit vous n'avez aucune idée de ce que signifie votre théorie. Ce qui est vrai pour un coquillage l'est aussi pour toutes les créatures, y compris l'être humain. Le Tout-Puissant se vante lorsqu'il prétend avoir créé toutes les espèces en une seule semaine. Vous avez tué Dieu. Vous avez tué Dieu. Mais on peut le formuler autrement. Et je dis bon débarras, ce n'est qu'un vieux bougon rancunier. Darwin dans le film Darwin de John Amiel en 2009. Darwin qui, en 1859, publie De l'origine des espèces. Sophie de Beaune. Moment incroyable, cette origine des espèces, puisque Darwin, mais nous l'entendons dans cet extrait, mais en fait est presque dépassé par ses analyses, en tout cas par les conséquences que peut avoir son discours. Darwin n'est pas un préhistorien. Ce n'est pas Darwin travaille sur les animaux, sur l'évolution des animaux. D'ailleurs, il ne parle pas de l'homme hein, dans son ouvrage. Et il se garde bien d'écrire le mot évolutionniste. Il n'en parle pas. Il fait des allusions voilées, mais il ne parle pas d'évolutionnisme. Lui, il parle vraiment de la sélection des espèces par la sélection naturelle. Alors c'est extrêmement choquant à l'époque, d'autant que il laisse vaguement entendre que l'homme serait assez proche du grand singe, ce qui évidemment est très choquant pour l'époque. Alors on connaît le fameux mot de Lady Wester, qui est la femme d'un archevêque anglican, qui aurait dit dans un salon comment nous descendrions du singe. Ouh là là, pourvu que ce ne soit pas vrai. Oh, et si c'était vrai, pourvu que ça ne se sache pas. Je trouve ça très british. Alors, on ne sait pas si l'histoire est vraie, mais elle est assez amusante. Et donc, son livre choque énormément. Beaucoup de caricatures paraissent à l'époque, où on le voit dialoguant avec un singe, etc. Mais son idée est que, finalement, dans une espèce donnée, dans une même espèce, il y a une assez grande variabilité individuelle, et ce sont les individus les mieux adaptés à leur environnement qui vont se reproduire, et donc à la génération suivante, on va trouver les individus les mieux adaptés, et petit à petit, au fil des générations, ce sont finalement, par la sélection naturelle, les individus les mieux adaptés qui vont se reproduire et survivre. Et c'était seulement ça, son idée de départ. Après, évidemment, ça a été finalement assimilé à l'évolutionnisme et ça a permis d'expliquer, le darwinisme a permis d'expliquer l'évolution des espèces. Sophie de Beaune, au XVIIIe siècle, Buffon réfléchit à l'âge de la Terre et puis peu à peu, les connaissances alimentent l'idée que des êtres humains ont vécu au moment d'espèces disparues. Et puis Darwin, dans les années 1850-1860, met en place cette réflexion sur la sélection naturelle. Où en sommes-nous de la préhistoire? Le mot préhistoire, l'idée même de préhistoire, existe déjà? Alors pendant longtemps, il y a eu plusieurs termes qui ont été proposés. Il y avait par exemple la paléontologie de l'humanité, des termes assez difficiles à utiliser. Mais par contre, les deux termes qui se sont fait longtemps concurrence, c'était l'antéhistoire et la préhistoire. Et pendant très longtemps, les deux termes ont été utilisés concurremment. Et c'est finalement Gabriel de Mortillet, un des premiers préhistoriens, qui a tranché en expliquant que, dans une publication de 1875, que finalement le terme préhistoire était plus clair, plus net, plus facile à utiliser, puisqu'il donne bien l'idée d'un temps antérieur, alors que antéhistoire, ça a un double sens, finalement, puisque anté, ça peut être avant, mais ça peut être aussi contre. Et du coup, c'est ambigu, parce que la préhistoire n'a pas de raison d'être contre l'histoire, elle est antérieure à l'histoire. Et du coup, il a tranché en disant, bon, c'est plus simple, c'est plus net, utilisons préhistoire. Ceci étant, ça n'a pas été fait d'un jour à l'autre. Hein. Les deux termes ont continué à être utilisés un certain temps, jusqu'à ce que finalement le terme antéhistoire soit totalement abandonné. Et puis ce succès est incroyable, mais là aussi au fil du temps, de ces images de la préhistoire qui s'imposent, notamment avec la famille Pierre à Feu. France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le cours de l'histoire qui s'intéresse à la préhistoire, mais la préhistoire c'est de l'histoire aussi, avec cette idée que bien la préhistoire est inventée en tant que période et en tant que discipline aussi. Sophie Archambault de Beaune, l'idée de l'humain est au cœur de tous les débats, parce que dans un 19e siècle baigné de religion, il est très difficile d'imaginer une évolution de l'homme et encore plus d'imaginer plusieurs espèces humaines. Quand vous étudiez l'histoire de la préhistoire, il y a sans cesse le débat religieux qui est là. Absolument. Les ecclésiastiques, au départ, ont été évidemment farouchement contre l'idée d'une évolution de l'homme. Et même certains, qui étaient très intransigeants, refusaient complètement l'idée que la Terre ait pu avoir plus de 6000 ans, hein, en suivant donc le récit biblique. Et donc, il y a eu énormément de débats et beaucoup de polémiques. Et parmi les personnes, les religieux, finalement, on peut dire qu'il y avait plusieurs catégories. Il y en avait certains qui ont essayé de composer avec les données de la science pour les intégrer au récit biblique. C'était les plus nombreux. Et puis, il y a eu les gens extrêmement intransigeants, comme l'abbé Aymar, qui considérait que finalement, c'était quasiment diabolique. La préhistoire était quasiment diabolique. Donc, eux étaient très virulents, extrêmement choqués, gênés. Et ils ont beaucoup critiqué, en particulier Gabriel de Mortillet, lorsqu'il a publié son premier manuel de préhistoire. Je crois que c'était en 1885, mais bon, il faudrait que je vérifie la date. Et donc, ils étaient extrêmement choqués, mais ils ont petit à petit perdu de leur importance, puisque les preuves, quand même, s'accumulaient. Les preuves, donc, de l'ancienneté de l'homme et de sa contemporanéité avec des espèces animales disparues. Donc, petit à petit, ils ont bien été obligés de se rendre à l'évidence. Et puis, il y en a eu qui ont essayé de composer en disant, bon, on admet qu'il y a eu une évolution des espèces et même une évolution de l'homme. Mais par contre, ils sont restés très fermes sur l'idée d'une création de l'âme humaine, une création divine de l'âme humaine, puisque quand même, ils ne pouvaient pas abandonner comme ça toutes leurs croyances et toutes tout le dogme d'un seul coup. Après, les choses ont changé à partir du XXe siècle, du fait que l'épreuve était telle qu'il fallait bien admettre, de toute façon, les faits scientifiques. Et du coup, beaucoup d'ecclésiastiques ont fini par admettre qu'en fait, le récit de la Genèse avait une valeur symbolique et n'était pas forcément à prendre au pied de la lettre. Et d'ailleurs, durant la première moitié du XXe siècle, il y a énormément de préhistoriens qui étaient des ecclésiastiques, à commencer par l'abbé Brun, qui s'appelait lui-même le pape de la préhistoire. Et puis d'autres, les abbés Buissonnier en Corrèze, l'abbé Parra, enfin, il y a eu énormément de prêtres, puisque les gens qui faisaient de la préhistoire à l'époque, on n'était pas encore à une période où la préhistoire était professionnalisée, c'était des gens qui avaient fait des études. Donc c'était les médecins, c'était les prêtres, c'était les instituteurs. Et donc les prêtres étaient effectivement aux premières loges. Et ce sont eux qui découvrent évidemment l'homme fossile. Il y a 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing au bichromate de potasse, puis on noie une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé pité qu'Anthropus erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud la fin. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez, sur le vu d'un pitos ou d'une prémolaire, comprirent que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin qui assommait le bison au roc et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Callipyge au téton comme la lune. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte, alors que j'habitais un pavillon de banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonnes manières. Tous les dimanches matins, je jouais au tiercé. Je portais des cols durs et des bandages hernières. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté. C'était, voilà maintenant, bien 3 millions d'années. Vous n'avez rien à craindre, il n'y a plus de retombées. Ce superbe Serge Reggiani, l'homme fossile dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique d'Ali Yaha. Et justement, dans cet homme fossile de Reggiani, il y a, eh bien, une relation qui est faite entre l'homme fossile fantasmé et puis l'homme du temps de Reggiani, victime de l'arme atomique, Sophie Archambault de Beaune. Dans l'imaginaire qui se construit dès le 19e siècle de nos ancêtres lointains, au fur et à mesure qu'ils sont découverts, la relation se fait avec systématiquement le monde contemporain. C'est-à-dire que ceux qui découvrent se projettent, mais presque malgré eux, sur ces hommes du passé. Comment sont-ils vus? Ils sont vus comme nous, sauvages? Alors, on va très vite faire le lien et faire le parallèle avec les hommes sauvages, avec des guillemets, évidemment, que l'on découvre au XIXe siècle, hein, les populations lointaines, que ce soit les Indiens d'Amérique, ou, enfin, on les connaissait déjà, mais disons qu'il commence à y avoir les premiers anthropologues, les premiers ethnologues qui vont les étudier, les Esquimaux, comme on les appelait avant, qu'on appelle aujourd'hui les Inuits, hein, les aborigènes d'Australie, etc. Donc très vite, on va faire le lien, mais à tel point que certains pensent même qu'il s'agit des descendants, que ces sauvages, entre guillemets, ces sauvages actuels du 19e siècle sont les descendants directs des hommes de la préhistoire. Et on va vraiment faire le lien absolument direct. Alors, il faut se remettre aussi dans l'esprit de l'époque. C'est l'époque où Lewis Morgan publie son livre en 1877, Ancient Society, dans lequel il présente une évolution sociale des sociétés. Il classe les sociétés en différents stades. Il y a les trois stades inférieurs de la sauvagerie, puis les trois stades supérieurs de la barbarie, et le stade suprême, le septième stade, le stade de la civilisation dans lequel nous autres occidentaux vivons, et nous sommes passés par ces six premiers stades avant de parvenir à la civilisation. Donc évidemment, la tendance va être de classer ces sociétés non occidentales dans les différents stades définis par Morgan. Et bien sûr, tout cela va de concert avec, faut se remettre dans le contexte colonial de l'époque, évidemment. Oui, le contexte colonial est aussi essentiel. Mais Sophie de Beaune, passionnant de voir en fait, peu à peu, comment se construit, comment s'invente la préhistoire à partir de tous ces éléments. Nous parlions ces éléments de comparaison nécessaires hein, par le manque de sources, d'artefacts qui permettent d'imaginer le passé. Le passé imaginé au 19e siècle, ces hommes du passé sont des hommes sauvages vus d'ailleurs, des hommes qui sont réfléchis comme faisant peur, barbares, vêtus de peau de bête. Est-ce qu'il est possible de s'imaginer, nous, dans la continuité de ce qu'ils ont été? C'est un peu difficile à dire, puisqu'on les voit vraiment comme autres. Je suis pas sûre que les gens pensent en termes de continuité. Ceci étant, ils les représentent comme des hommes blancs, bien sûr, comme des hommes blancs pareils à eux, identiques à eux, malgré tout. C'est le paradoxe hein, du 19e siècle de représenter ces hommes du passé, puisque nous sommes en Europe, quand les découvertes sont faites comme des hommes blancs, mais des hommes blancs autres, avec aussi, et ça va dans la construction scientifique de la préhistoire, une construction populaire. Jules Verne. Des débris nouveaux avait permis à des savants plus audacieux encore d'assigner une haute antiquité à la race humaine. D'un bond, l'homme remontait l'échelle des temps d'un grand nombre de siècles. Il précédait le mastodonte. Il devenait le contemporain de l'Elephas meridionalis. Il avait 100 000 ans d'existence, puisque c'est la date assignée par les géologues les plus renommés à la formation du terrain pliocène. On comprendra donc les stupéfactions et les joies de mon oncle quand, 20 pas plus loin, il se trouva en présence d'un des spécimens de l'homme quaternaire. C'était un corps humain absolument reconnaissable. Ce cadavre, la peau tendue et parcheminée, les membres encore moelleux, les dents intactes, la chevelure abondante, les ongles des doigts et des orteils d'une grandeur effrayante, se montrait à nos yeux tel qu'il avait vécu. J'étais muet devant cette apparition d'un autre âge. Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, une lecture de Marion Malenfant dans le cours de l'histoire. Jules Verne, Voyage au centre de la Terre 1864. Nous avons dit que toutes ces réflexions, l'origine des espèces de Darwin, c'est 1859. Il y a une transmission presque directe des découvertes. Tout à fait. Ce qui est amusant, c'est que Jules Verne connaissait très bien il était très au courant des découvertes de son temps. Et d'ailleurs, il cite dans son ouvrage, il parle de Lartet, qui la même année, en 1864, a publié la fameuse lamelle d'ivoire de mammouth sur laquelle est gravé un mammouth, donc qui a été découvert à la Madeleine, qui a renforcé, qui a donné une preuve supplémentaire de la contemporanéité de l'homme avec des espèces disparues et qui a prouvé que les hommes savaient graver, dessiner, peindre, etc. Enfin, peindre pas encore, mais dessiner. Et donc, il était très au courant, de même que Flaubert dans Bouvard et Pécuchet, qui fait une allusion assez drôle, justement, à la querelle entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire. Et donc, ces écrivains se tenaient tout à fait au courant de ce qui se passait. Et la population, disons, le grand public, a pris connaissance de la préhistoire petit à petit. D'abord, grâce aux expositions universelles, l'exposition universelle de Paris de 1867, dans laquelle, pour la première fois, on a justement présenté cet objet provenant de la Madeleine, ainsi que 50 autres, donc des objets d'art mobilier, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire des objets décorés, qui étaient présentés avec les os fossiles retrouvés dans les mêmes couches et les outils retrouvés dans les mêmes couches. Et puis, il y a eu une deuxième exposition universelle, également en 1868, qui a été très populaire, toujours à Paris, au Trocadéro. Et puis, il y a eu les premiers ouvrages grand public. Donc, c'est Louis Figuier qui a publié en 1863 un livre qui s'appelait « La Terre avant le déluge ». Et puis, un autre qui est plus connu peut-être, qui s'appelle « L'homme primitif », qui a été publié en 1870. Donc, les gens commencent à s'intéresser beaucoup à la préhistoire dès cette époque-là, en fait. Sophie de Beaune, dans ces ouvrages que vous citez, il y a énormément d'hypothèses parce que, tout simplement, les connaissances ne sont pas gigantesques. Donc, les auteurs sont obligés de construire. Dans cette construction, ils alimentent aussi un imaginaire particulier. Oui, alors la grande obsession des premiers préhistoriens, donc à la fin du 19e siècle, c'est de mettre un peu d'ordre dans cette chronologie. On voit bien que ça a été une période très longue et on essaye donc de la subdiviser en phases différentes. Et donc, on s'aperçoit, par exemple, que, bien sûr, il y a les couches avec des animaux différents. Donc, les premières classifications vont reposer sur les couches. On va leur donner les noms de l'animal prédominant. Par exemple, Édouard Piette, qui est un des préhistoriens donc de la fin du 19e siècle, va considérer qu'il y a quatre époques. Il y a l'âge de l'ours des cavernes, du grand ours des cavernes. Il y a l'âge de l'éléphant et de rhinocéros, suivi de l'âge du renne, qui est encore connu aujourd'hui. On en parle quelquefois comme étant justement la période de la fin de la préhistoire. Et puis, la quatrième période, C'était un autre animal. Peu importe. C'était encore un animal. Voilà. Oui, l'âge de l'auroch. C'était l'âge de l'auroch, le quatrième. Plus récent, donc, post-glaciaire. Et donc, cette subdivision n'a pas été, elle est restée longtemps en usage. Encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la biochronologie. Ça peut être parfois utilisé lorsqu'on n'a pas d'autres moyens de datation. Ça peut être éventuellement utilisé. Mais bon, depuis les années 1950, depuis la découverte de la datation par le radiocarbone en 1950 par Frank Libby, on utilise davantage des méthodes de datation absolues. Quand on le peut, bien sûr. Et puis, il existe d'autres méthodes. Mais toujours est-il qu'à l'époque, il y a cette obsession de subdiviser la préhistoire. Et finalement, c'est le système de Gabriel de Mortillet qui l'emporte, puisqu'il a remarqué que dans les couches, non seulement on ne trouve pas les mêmes animaux, mais on ne trouve pas les mêmes outils. Il s'aperçoit qu'il y a une évolution de l'outillage et que, par exemple, les bifaces, on les trouve dans les couches les plus anciennes, alors que des outils sur lames, des longues lames fines, retouchées aux extrémités, gravité ou autre, ça on les trouve dans les couches les plus récentes. Donc il propose un système de subdivision chronologique, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon des préhistoriens des subdivisions chronoculturelles, et donc il propose un vocabulaire spécialisé en utilisant le nom des sites caractéristiques, ce qui donne finalement des noms des sites éponymes. Par exemple, le site de la Madeleine va donner le terme du Magdalénien. Le site de Solutré va donner le Solutréen, Saint-Acheul va donner l'Acheuléen, etc. Et ce système-là est resté, en fait, alors bien entendu, il a été corrigé, il a été affiné, etc. Mais ce qui est très étonnant, c'est que finalement, c'est un système relativement fixiste, puisqu'il considère que pour chaque période donnée, on a une industrie, comme disent les préhistoriens, un assemblage d'outils, en général en pierre taillée. Pour les périodes plus récentes, ça peut être aussi des outils en bois de cervidé ou en os. Mais ces outils n'évoluent pas au sein d'une même période. Comme si ces sociétés avaient été figées, en fait. Alors que ce n'était évidemment pas le cas. Je veux dire, toutes les sociétés évoluent. Et curieusement, encore aujourd'hui, ces systèmes, hein, ce système de dénomination est encore utilisé, même s'il a été affiné. Mais cette idée, finalement, qu'on a des systèmes, assez fixes au sein de chaque période. C'est ce qui est passionnant hein, dans cette émission, Le cours de l'histoire, de vous entendre, Sophie de Beaune, de bien comprendre comment la préhistoire a été inventée, comment elle apparaît à un moment de la réflexion et puis comment ce qui a été mis en place existe encore en partie parfois aujourd'hui dans nos représentations. Et parce que dans les schémas de pensée, c'est plus simple aussi de fonctionner ainsi. Vous nous avez parlé des différents âges, hein, le roc, le renne, etc. Vous savez, il y a les âges farouches aussi, on les oublie souvent, mais on connaît bien Raon, le fils des âges farouches. En ces temps sauvages, ceux qui marchent debout luttaient farouchement pour assurer leur survie et celle de leurs petits. Viens, petit homme, viens. Ne pleure pas, petit homme. Tu seras pour Krao l'enfant qu'il n'a pas eu. Et Krao t'enseignera tout ce qu'il a appris sur l'eau qui court et sur la terre qui tremble. Pour qu'un jour, toi et moi, découvrions ensemble la tanière du soleil. Nous t'appellerons Raon, fils des braves. Raon, le fils des âges farouches. Raon, fils des âges farouches. Raon, héros de la bande dessinée, donc du journal Pif Gadget, évidemment, hein, le scénario Roger Lécureux et les dessins André Chéret, Raon avec ses beaux cheveux blonds. Mais nous avons ici une représentation. Alors avec Raon, nous sommes dans les années 1960, hein, mais c'est quelque chose qui traverse en fait depuis le 19e siècle, le 19e siècle, 20e siècle et encore aujourd'hui, cette représentation de nos ancêtres. L'imaginaire qui se met en place au 19e siècle, nous le retrouvons encore aujourd'hui. Il y a tout un gros travail fait par les préhistoriens pour déconstruire les images, et notamment autour de Néandertal. Tout à fait. Alors, ces idées sont très anciennes, hein, puisqu'on voit les tableaux, les peintres se sont emparés de la préhistoire au 19e siècle. On a par exemple le fameux tableau de Paul Jamin, Rapt à l'âge de pierre, où on voit des hommes blancs, absolument identiques aux Européens actuels, transportant une femme qui est en position lascive, nue évidemment, complètement écartelée dans les bras de l'homme, et qui le transporte. Et c'est une image complètement, mais qui correspond absolument pas aux données scientifiques en plus. Et c'est très drôle parce que l'homme est présent, enfin drôle, je sais pas si c'est drôle en fait. L'homme est représenté comme le chasseur, le grand chasseur qui affronte des animaux extrêmement sauvages, ce qui n'était pas forcément le cas. L'homme n'affrontait pas forcément l'ours des cavernes. Il se gardait bien de le rencontrer, au contraire. Et puis la femme, alors la femme, elle a une position ambivalente. Soit on la représente comme la gardienne du foyer, alors toujours entourée d'un tas d'enfants avec un bébé dans les bras, donc assise au coin du feu. Soit la femme séductrice, comme je viens de le dire à propos du tableau de Paul Jamin. Très souvent, il y a un autre tableau qui s'appelle Les chasseurs à l'affût. Un tableau toujours des années 1867-70 par là, de Brenne Brenner, Emmanuel Brenner, où on voit deux hommes magnifiques, nus, très beaux, qui rappellent la statuaire grecque, et une femme, donc qui sont là, qui guettent le gibier, ils sont sur une éminence rocheuse, et puis à leurs pieds, il y a une femme qui ne sert à rien, mais qui est en position lascive, elle rappelle un peu, enfin, ou plutôt elle évoque le déjeuner sur l'herbe, une femme nue qui n'a rien à voir dans l'histoire. Et donc, on voit cette idée de l'homme qui ne correspond absolument pas d'ailleurs aux données actuelles, puisqu'on sait aujourd'hui que justement les premiers hommes modernes qui sont arrivés en Europe il y a à peu près 40 000 ans étaient des Noirs. Hein. Ils avaient la peau noire, ils venaient d'Afrique, ils n'étaient pas blancs européens, pas encore. Ça, c'est un travail qui est fait aujourd'hui. Alors, on pourrait citer quelques musées, mais c'est vrai, il y a la grotte Chauvet, il y a Lascaux qu'on peut visiter, il y a même le musée d'archéologie nationale aujourd'hui, qui est d'ailleurs, nous parlions beaucoup de ces années 1860, hein, avec Jules Verne, Le Voyage au centre de la Terre, avec Darwin, avec toute cette pensée. Le musée de l'archéologie alors impériale a été mis en place dans ces années-là. Il y a tout un travail gigantesque dans tous ces musées partout en France que l'on peut visiter pendant les vacances, où justement sont apporter les découvertes scientifiques accessibles pour déconstruire et sans doute aussi reconstruire l'image de la préhistoire. Tout à fait. Alors, le musée d'archéologie nationale qui a été fondé en 1867 par Napoléon III, qui était féru d'histoire romaine. Hein. On sait qu'il a écrit une histoire de Jules César. Et donc, il avait fondé ce musée qui s'est appelé au départ le musée gallo-romain. Et puis très vite, c'est-à-dire dès la même année, 6 mois après, il a été rebaptisé Musée des Antiquités Nationales. Nom qu'il a gardé jusque dans les années 2004-2005, par là. Et pourquoi ? Parce qu'il fallait faire une place justement à tous ces vestiges dont on parlait de plus en plus. On parlait beaucoup de préhistoire, ça devenait le grand public s'y intéressait, il fallait bien les mettre quelque part. Et donc on a effectivement modifié le nom du musée. Et lors de l'inauguration, Napoléon III a visité la première salle, il y avait 7 salles. La première salle, c'était la salle de préhistoire. Alors la petite histoire raconte qu'il y a eu un orage épouvantable ce jour-là. Et donc il est arrivé très en retard. Et qu'en fait, il n'a vu que la salle 1. Et donc, il y a des gravures de l'époque qui ont été publiées dans les journaux où on représente Napoléon III visitant lors de l'inauguration du musée. Et toutes les gravures le représentent dans la salle 1, la salle de préhistoire. La salle de préhistoire qui fascinait Napoléon III, mais qui fascine toujours autant. Mais rien qu'à vous écouter, Sophie Archambault de Beaune, nous avons envie d'aller plus loin. Ben justement, il y a votre ouvrage, La préhistoire au présent, mots, images, savoir, fiction. Il y a tous les sites que nous n'avons pas pu évoquer dans cette émission, tellement il y en a partout en France, mais il faut se régaler pour aller visiter. Eh bien, parce que à chaque fois, la préhistoire est quelque chose, et je le vois bien à l'annonce de cette émission, qui intéresse, qui passionne et surtout qui ne cesse d'être actualisé. Et ça, c'est aussi un vrai plaisir. Merci vivement à vous, Sophie de Beaune. Merci beaucoup. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, la grossesse masculine. La grossesse masculine, ou l'homme enceint, apparaît dans la chante-fable médiévale des aventures d'Aucassin et Nicolette, un récit à réciter et à chanter, écrit par un anonyme entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle. Il raconte l'amour impossible entre un jeune aristocrate et une esclave qui décident de fuir les contraintes sociales pour vivre leur amour en paix. Leur quête de quiétude, d'amour et d'eau fraîche tourne évidemment à l'échec cuisant, sinon il n'y aurait pas d'histoire, mais leur cavale leur procure l'occasion de nombreuses péripéties et de rencontres sur le chemin de leur destin forcément funeste, mais en fait non, puisqu'in extremis, Nicolette apprend qu'elle est la bâtarde d'un roi, leur mariage est donc possible et tout est pardonné, puisque la roturière s'avère être de sang noble. Après tout ça, l'important n'est pas la chute de cette histoire, mais le voyage en lui-même, vous l'aurez compris. Au cours de leur tribulation, pourchassés par le père d'Aucassin qui désapprouve farouchement leur amour, Nicolette et Aucassin atterrissent dans un pays inconnu où ils apprennent bientôt qu'à leur grande surprise, le roi local Gisois d'enfant. Tout est là. Gisois d'enfant peut signifier 2 choses radicalement différentes. Soit il attend un enfant, soit il va ou vient d'accoucher lui-même d'un enfant, soit éventuellement il garde le lit après l'accouchement de la mère de son enfant en une couvade symbolique pour se remettre de ses émotions. La différence de traduction et d'interprétation est de très grande taille. Ce passage a intrigué ses lecteurs et ses exégètes. Était-ce une erreur un peu grotesque ou la bonne blague d'un copiste en un temps où l'imprimerie n'existait pas encore ? Quoi qu'il en soit, le motif de la grossesse masculine était bien là et voyageait jusqu'à nous. Par exemple, sous les traits du mâle par excellence, Marcello Mastroianni, qui vivait une grossesse étonnante, mise en scène par Jacques Demy en 1973, dans le film « L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune ». On dirait que vous êtes enceinte de 4 mois. Alors, il n'y a rien de grave. Ce n'est pas grave, certes, mais c'est déroutant chez un homme. Voilà, papa et moi, nous avons une bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis enceinte. Oh, merde. Je ne savais pas que ça pouvait arriver aux hommes. Je me disais aussi, prends du ventre, Mazetti. Mais après tout, on en prend tous un jour ou l'autre. Mais revenons à l'origine de cette image de l'homme gros d'un enfant à naître. Le roi enceint, rencontré par Aucassin et Nicolette, n'est pas unique dans la production littéraire de l'époque. Baptiste Laïd, dans la dernière livraison de la revue Moyen-Âge, a mené l'enquête. Dans ses premières versions antiques, l'image de la grossesse masculine est utilisée notamment par Phèdre dans ses fables au 1er siècle de notre ère pour incarner les tendances velléitaires de ceux qui parlent beaucoup mais font très peu, avec l'allégorie du volcan qui accouche d'une souris. C'est à l'époque carolingienne que le volcan parturien devient un homme par un accident de traduction. Mais la célébrité de l'homme enceint prend son ampleur au XIe siècle grâce aux détails de la broderie de Bayeux et précisément dans une de ses bordures qui représente un homme nu presque accroupi dans une posture qui pourrait effectivement évoquer un accouchement mais aussi toute autre évacuation. À cette image s'ajoute un poème satirique signé par un moine de Bayeux lui aussi qui établit une analogie entre le ventre rebondi de son goinfre d'abbé et celui d'une femme enceinte. Le motif de la grossesse masculine voyage encore et reste la manifestation d'un mauvais présage qui frappe d'effroi ceux qui apprennent cette nouvelle contre nature et donc dangereuse. Ceux qui se font duper par leur superstition voient leurs bêtises honteusement mises en valeur sous la plume de Marie de France, que l'homme enceint soit fécondé par un bousier, un scarabée ou dupé par une femme adultère. Dans la fable de Nicolette et Aucassin, on entre dans un monde à l'envers où les rois accouchent à l'abri des guerres menées par les reines. Ce sont finalement les aspirations viriles d'Aucassin qui sont tournées en dérision, lui qui se lance dans une croisade bien vaine contre ce qu'il considère comme une monstruosité, mais contre laquelle il ne peut rien. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Odile Joessel, Juliette Corbel-Vivas, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France où vous avez toutes les archives de toutes nos émissions. Demain, nous continuons à recevoir des nouvelles de la préhistoire. Plus on est dominindé, plus on rit. France Culture, l'esprit d'ouverture.